Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Johan Drian qui vient nous parler de son livre Le Saintois, Pays de Château, publié chez Votant Éditions. Bonjour Johan. Bonjour Mona. Pouvez-vous nous vous présenter, nous parler de vous ? Après tout, on est là pour ça. Donc effectivement, oui, je suis Johan Drian. Donc effectivement, je viens de sortir le 3 septembre donc ce livre, Le Saintois, Pays de Château, qui est un projet qui remonte à... Oh là là, certain nombre d'années. Hein. Ça fait, je crois que j'ai mis dedans, ça devait faire que 16 ou 17 ans, je crois que j'ai mis dans la préface que je travaille sur ce livre. Et ça y est, on est arrivé au terme. Hein. C'est bien. Autrement, dans la vie, vous faites quoi ? Je travaille comme conseiller clientèle pour Engie. Donc bon, il faut bien bouler à côté hein, parce qu'on n'en vit pas de nos livres, hélas. Mais c'est vrai que c'est avant tout une passion, hein, avant toute chose. Bien sûr. Alors, vous pouvez nous parler de votre livre Alors, ce livre, en fait, fait suite un peu au livre précédent, hein, qui était consacré à François de Tavany, l'un des architectes des Ducs de Lorraine. Donc, c'est vrai qu'on était sur un livre, on va dire, un peu plus micro que micro, en fait. Hein. Donc, parce qu'on se consacre vraiment à une personnalité particulièrement méconnue, d'ailleurs, en plus de l'histoire de Lorraine, et qui a essentiellement œuvré au cœur du Saintois. Donc, là, le suivant, effectivement, reprend tous les châteaux, non seulement depuis la période Renaissance, parce que le précédent j'avais sorti pendant l'année Renaissance à Nancy, donc voilà, mais bien au-delà, c'est-à-dire qu'on va aussi bien depuis les premiers monticules gallo-romains jusqu'au dernier château du XXe siècle, donc là du coup je balaye tous les siècles et tous les châteaux, forteresses, maisons fortes, fortifications, bastions qui ont été construites dans le Saintois des origines à aujourd'hui. D'accord. Et alors, vous êtes un passionné d'histoire locale, j'imagine. Un passionné, oui. Surtout sur l'histoire du Saintois, qui est vraiment ma passion. Parce que bon, moi, j'ai passé toute mon enfance dans Saintois. J'habite à Nancy pour raisons professionnelles. Mais c'est vrai que jusqu'à mes 17 ans, la moitié de ma vie, en fait, je l'ai passé au Saintois. Mon pays, voilà. Quoi. Quand on se lève tous les matins en ouvrant les volets et en ayant la vue directe sur la colline de Sion... quel beau paysage, quand même. Ah oui, c'est sûr. Ouais. On ne peut en être qu'un inspiré de la colline inspirée, justement. Et c'est vrai que ce terroir, ce territoire, souvent oublié, je trouve, au niveau de l'histoire, on a l'impression que, en fait, ce territoire n'existe qu'au moment où les comtes de Vaudémont deviennent ducs de Lorraine et que dans le restant de l'histoire, ben, on a un peu oublié les origines, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a vraiment passionné parce que c'était vraiment le territoire qui était capital avant même que Nancy soit construit. Donc, aujourd'hui, c'est la race campagne, quoi. Oui, c'est vraiment la race campagne. Hein, donc, c'est vrai que je suis attaché justement à ce passé et je me bats pour essayer de le faire connaître à ma façon. Ah oui, parce qu'il y avait effectivement un vide à combler, on n'en parle pas spécialement. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'auteurs, je dirais, dans les années, surtout, on va dire, des années 50 aux années 80, il y a eu beaucoup, beaucoup d'auteurs, justement, notamment Bernard Perrin, aujourd'hui, il est décédé, quoi, où ils étaient très nombreux, il y avait plusieurs maisons d'édition, plusieurs associations, justement, de recherche de cercles historiques, culturels, qui existaient dans toutes ces années-là, et qui, à la fin des années 80, début 90, sont disparus les uns après les autres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la continuité, il n'y a plus qu'un ou deux éditeurs sur le Saintois, hein, donc, effectivement, mais qui eux-mêmes, du coup, sont sortis de ce 100% édition livre d'histoire du Saintois, qui se sont ouverts à d'autres choses, ce qui est bien également. Mais c'est vrai qu'en termes d'auteurs, aujourd'hui, il n'y en a plus tellement que ça, en fait, qui travaillent sur ce secteur. D'accord. Alors, si nous connaissons tous le château d'Arouet, de Fléville ou de celui de Torre-Liotet, beaucoup sont inconnus. Comment avez-vous retrouvé tous ces châteaux, ces demeures, surtout ceux qui ont disparu complètement ? Alors, ceux qui ont disparu complètement, c'est surtout un travail aux archives départementales, évidemment, où j'ai passé beaucoup de temps dès l'âge de mes 16 ans. Voilà, pendant que les amis allaient faire les cours en mobylette, moi j'étais le plus jeune inscrit aux archives départementales, donc c'est vrai que ça a été tout de suite ma passion à me plonger dans les vieux livres, les vieux manuscrits, et le restant du temps, dès que j'étais sur le territoire, justement, aller à un petit coup de vélo, aller faire des mesures sur place, des relèves. J'ai beaucoup sillonné les routes du Saint-Ouen pour même aller faire des relèves sur place. Oui, oui. Alors j'ai vu que vous étiez très très éclectique dans la mesure où il y a les photos, il y a les plans, il y a les Gravures, il y a même des reconstitutions en 3D, oui, effectivement. C'est ça. Oui. Disons que j'ai profité également du fait que je suis diplômé comme collaborateur d'architecte et que je maîtrise du coup forcément la 3D et que c'est aussi mon métier à l'origine pour du coup me servir aussi de ce savoir-faire pour apporter quelque chose que personne n'a jamais fait dans ces livres d'histoire. Apporter la reconstitution, le visuel de ce que c'était à l'origine. Et là, en l'occurrence, ce que je fais, c'est une première. Donc, Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des photos aériennes. Je me suis dit, c'est quand même pas lui qui... Non. Qui pilote l'avion. Oui, en général, c'est ou du Google Maps ou du... Pierre ou Philippe Loiseau, je ne sais plus, qui a fait beaucoup de photos aériennes sur le secteur également. Du Google Maps, évidemment, pour resituer les secteurs. C'est vrai que ça, c'est l'évolution, j'allais dire, entre quand on commence un livre, à l'époque où j'ai commencé à l'écrire, il n'y avait pas d'ordinateur à la maison, Internet démarrait, c'était les vieux Windows à l'époque, du coup, il n'y avait pas toute cette facilité d'accéder à certains documents en ligne, ce qu'on a aujourd'hui, et qui permettent aussi d'enrichir la documentation d'un livre, ce que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années, effectivement. Oui, bien sûr. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Nous allons écouter un groupe japonais. Je vous laisse le soin de me dire les titres, parce que c'est pas vraiment trop mon truc. Oui, donc, c'est le groupe Kageru. Donc, c'est un groupe l'un des premiers, effectivement, à s'être exporté à travers le monde. Et qui maintenant n'existe plus. Hein. Ils ont fait leur dernier concert il y a quelques années à Paris. J'ai pas pu y être, dommage. Donc, Kageru, Zetsubu, ni Sayonara. Let's 17h-18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Johan Drian. Vous avez pris soin de vos lecteurs. Ce guide comporte un précis historique de l'histoire de la Lorraine, un petit dictionnaire des termes architecturaux, un plan avec localisation des communes avec châteaux. Vous voulez les inciter à mieux connaître la région ? Ben, c'est un peu le but, c'est-à-dire que je ne l'ai pas conçu tout à fait comme un guide du routard, mais je voulais aussi qu'il y ait un peu cette idée dans le livre, parce que lire, c'est bien, aller découvrir sur place, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que, comme moi, j'ai aimé beaucoup ces paysages, c'est vrai que dans ma façon d'écrire également des livres d'histoire, je veux pas que ça soit seulement un truc académique qui donne comme ça des lieux, des noms, des photos, mais il y a aussi cette envie d'inciter à aller découvrir sur place. C'est aussi également dans le choix du format pour que ça tienne dans une poche, que ça prenne pas trop de place. Bref, tout a été conçu vraiment pour que ça soit un livre qu'on puisse également transporter, lire sur place et découvrir en même temps sur place. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très pratique. Alors, Louis XIV et Richelieu ont été les fossoyeurs de beaucoup de châteaux. Oula, oui. Et autres demeures en Lorraine. Alors pourquoi ? Pour annexer la Lorraine qui était terre tampon entre l'Empire germanique et la France ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire, effectivement, ça remonte à Charlemagne, à son héritage, qui a coupé son état en trois parties. Et effectivement, au bout d'un moment, les trois branches de la famille se sont fait la guerre, forcément. Et il y avait un état de trop entre les deux. Donc c'est la Lorraine qui a trinqué. C'est vrai qu'à l'origine, qu'on remonte à la Lotharingie, ça est jusqu'à Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, ça annexait même la Bourgogne aujourd'hui, enfin ça allait loin, l'Alsace en faisait pas, enfin c'était absolument colossal. Quand on voit ce qui reste aujourd'hui de la Lorraine, effectivement c'est un état que les deux autres, aussi du côté français qu'allemand, se sont acharnés à voir détruire à tout prix. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, il y a effectivement beaucoup de monuments qui ont disparu et c'est vraiment fort dommage, mais bon. Alors, vous parlez du château de Tavagny à Domari, qui a été détruit par son propriétaire, étranglé par les impôts sur les portes et fenêtres. Y a-t-il eu beaucoup de destruction pour cette raison ? Relativement peu, mais c'est-à-dire que c'est tous ces impôts qui ont été créés après la Révolution française et sous l'Empire, où on comptabilisait des impôts au nombre de fenêtres. Combien d'immeubles on voit aujourd'hui, y compris encore au centre-ville de Nancy, qui sont murés ? C'est sans doute pour cette raison également. Et c'est vrai que là, on arrivait à la destruction, c'est-à-dire que là, on était quand même sur un propriétaire qui était un fermier, donc bon, pas forcément très riche non plus, et il y a eu beaucoup de châteaux, justement, qui, après avoir été saisis à la Révolution, sont devenus des fermes. C'est ce qui a permis aussi d'en préserver beaucoup, d'ailleurs, heureusement. Sinon, les destructions auraient été beaucoup plus nombreuses. Mais c'est vrai que par rapport à ce poids-là, il y en a eu beaucoup, beaucoup qui ont été démolis en partie à cause de ça, ou démolis aussi parce que les propriétaires n'avaient pas tout simplement les moyens de les entretenir. Et à l'époque, il n'y avait pas cette politique de préservation du patrimoine qu'il y a aujourd'hui. Hein, l'exemple de l'aile aujourd'hui disparue, Renaissance du château d'Étreval, il n'y en reste plus qu'une sur deux. Du logis d'origine qui s'est effondré dans les années 40 alors qu'ils étaient en train de faire justement avec l'huissier le tour pour la succession, et ça s'est effondré alors qu'ils étaient en train de vendre les meubles et tout, et donc il y a eu effectivement des morts à ce moment-là, et du coup cette aile-là a été rasée du coup ensuite, et le bâtiment a été revendu moins cher. Oui. Alors j'ai appris que Callot était propriétaire d'un château dans un toit. Tout à fait. Et c'est devenu une maison de repos maintenant. Tout à fait, voilà. Donc on n'a pas vraiment l'occasion d'y aller si on n'a pas de... Non, mais disons, au moins c'est visible depuis la rue. On peut voir au nombre de ces éléments architecturaux depuis la rue. Et puis le parc, de toute façon, de cette maison de repos est accessible au public de toute façon. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer non plus sur une propriété privée comme ça sans trop d'autorisation. Mais heureusement, le fait que ça a été transformé, que les jardins ont accueilli des bâtiments modernes pour justement cette maison de repos, fait aussi que les bâtiments ont pu être préservés par justement leur changement de destination. Oui, oui. Alors, il y a le château d'Étreval qui a une merveilleuse façade Renaissance, ou le sublime château de Vendelesville. Oui. Ils ne sont pas ouverts à la visite. Vous pensez qu'un jour, on pourra... Ben, disons que ce sont des propriétés privées. Pour Étreval, justement, c'est le sujet même de François de Tavagny. Comme je l'avais dit dans le précédent livre, c'est que moi, j'étais au collège avec les fils du propriétaire du château d'Étreval. C'est comme ça que je me suis penché sur François de Tavagny et que je me suis penché sur l'histoire Renaissance. Donc, du coup, j'ai pu le visiter un nombre de fois incalculable. Et il m'a profondément touché, quoi, par la beauté de sa façade. Et encore, à l'époque, il était dans un état, dans les années 90, de conservation très, très moyen. Alors que, justement, le fils qui a récupéré, justement, l'a beaucoup entretenu, redresse les tours. Enfin, il y a un vrai travail de conservation qui est entamé désormais. Oui, oui. Bon, moi, j'ai eu la chance d'aller au château de Vendelesville parce qu'ils font des réceptions. Donc, oui. J'ai eu la chance de pouvoir visiter quelques pièces. C'est vrai que c'est merveilleux. Mmh. Alors, vous êtes un homme aux multiples facettes. Vous faites des recherches historiques, vous prenez des photos, vous écrivez, vous faites de la radio, ici même. Ben oui. Et si j'ai bien compris, vous dirigez Votant Édition. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? Ce qui me pousse, c'est avant tout, c'est de la passion. C'est-à-dire que moi, mon premier livre, quand je l'ai sorti, j'avais quoi, 18 ans ? Enfin, peut-être pas encore. J'allais les avoir. Et c'est vrai que l'accueil de ce livre a été assez mitigé par rapport à des profs d'histoire qui m'ont dit « mais t'es pas agrégé, t'as pas à écrire ». Enfin, j'ai été attaqué de toutes parts par rapport à des éléments dans le livre que m'avaient transmis des anciens puis que d'autres anciens n'ayant pas vécu, notamment sur les familles en difficulté à la Seconde Guerre mondiale. Certains ont dit « il n'y a jamais eu de misère dans le village », d'autres m'ont dit « c'était la misère pour nous ». Enfin bon, il y a eu l'accueil qui a été tout de suite dans la confrontation. Et ce qui est dommage, c'est-à-dire que dès le départ, on essaie de me brider en me disant « mais t'es pas historien, t'es pas agrégé d'histoire, t'as pas à écrire, quoi ». Et d'entrée de jeu, moi, j'ai toujours eu un tempérament rebelle, donc j'ai dit « puisque c'est comme ça, je vais continuer et j'irai jusqu'au bout de mon envie, voilà ». Donc, il y a non seulement la passion, mais il y a aussi le côté rebelle que j'ai toujours, d'ailleurs. Et je continue avec plaisir à écrire sur des sujets, même si je ne suis pas un spécialiste, j'en demeure pas moins un passionné. Et c'est aussi cette voie-là que j'ai envie de défendre également. Alors, parlez-nous de l'aventure de Votant Édition. Votant Édition, c'est une aventure qui a démarré il y a 5-6 ans dans le projet, qui au départ s'appelait Stanislas Édition, mais qu'on n'a pas pu mener à terme. Voilà, donc du coup, j'ai retrouvé d'autres écrivains avec qui finaliser le projet de Votant Édition. Et donc du coup, maintenant, c'est un collectif en fait d'auteurs qui travaillaient avant soit en auto-édité, comme ça a été mon cas au démarrage, soit dans des petites maisons d'édition et qui voulaient un truc plus collectif, plus collégial. Voilà, et puis qui voulait aussi apporter autre chose, quoi, que simplement déposer un livre, un manuscrit, avec une maison d'édition qui prend leur part, et puis basta, quoi, voilà. Donc nous, on prend des parts peut-être moins importantes, mais les parts qui sont prises par la maison d'édition permettent de financer les maquettes, de financer les premiers tirages, de voilà. Et du coup, chaque auteur va forcément redire dans un comité de lecture les autres manuscrits des autres, donner leur avis, leur conseil de correction. Donc, c'est vraiment un projet avant tout collégial. D'accord. Alors, vous choisissez comment vos auteurs ? Alors, on voit les manuscrits qui nous sont envoyés, forcément. Il y a de tout, j'imagine. Il y a de tout, effectivement. Il y a de tout, mais c'est vrai qu'on s'est concentré surtout au démarrage sur soit des auteurs lorrains, soit des auteurs qui parlent de la Lorraine. Voilà, on a surtout démarré sur le côté très régional. Voilà, mais c'est vrai qu'on s'ouvre. Et malgré ça, même si on est resté sur le côté très régional au démarrage, le premier livre de Votant Édition a été un livre sur le cinéma fantastique italien. Donc strictement, rien à voir pour le coup. Mais l'auteur, lui, est lorrain. Donc on s'est dit, on a démarré comme ça. Et c'est vrai que l'idée, c'est simplement de travailler aussi en manière collégiale. C'est pas simplement on dépose un manuscrit, on fait le tirage et puis voilà quoi. Après, débrouillez-vous, comme c'est souvent le cas dans certaines maisons d'édition. On a vraiment le fait, tiens, tu vas prendre tel manuscrit, t'es intéressé par de la poésie, tiens, on a reçu un manuscrit de poésie, tu nous donnes ton avis, toi, t'es plus roman, tiens, voilà un manuscrit de roman, voilà, lis-le. Et du coup, comme ça, chacun donne son avis, ses corrections, et du coup, il y a plusieurs relectures de chaque livre, parce qu'on se les passe entre nous. Et c'est vrai que ça, c'est aussi sympa, ça donne, quelque chose de plus collaboratif que de travailler seul dans son coin. Alors, vous faites de la radio ici même ? C'est une radio sur l'histoire ? Enfin, une émission sur l'histoire ? Absolument pas ! Mais ça reste sur l'univers littéraire, vu que c'est consacré à tout ce qui est manga, comics, et bande dessinée. Donc, ça reste sur l'univers, évidemment, de la lecture à la base, mais par l'univers de Bulle, qui est ma deuxième grande passion. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi lire, et je ne peux pas passer une journée sans lire, quoi. C'est quelque chose qui est pour moi essentiel, quoi. Et c'est vrai que moi, je me souviens que mes grands-parents lisaient beaucoup, à l'inverse de mes parents qui, eux, lisent, alors du coup, pas du tout. Ah, voilà, faudrait peut-être qu'ils se mettent à lire, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est pareil avec mon frère qui, lui aussi, pareil, donc, est professeur de philosophie, lit énormément. Donc c'est vrai que ça a sauté une génération. Il y a un truc un peu bizarre comme ça qui s'est passé. Et on est tous les deux, mon frère et moi, de très, très gros lecteurs et on est très, très prolifiques en écriture, l'un comme l'autre. Mais droguer la lecture, je trouve que c'est pas si mal que ça. Non, c'est une bonne drogue, parce que ça permet de voyager. Et moi, ce que j'aime dans la lecture, c'est surtout que ça appelle à notre imaginaire, alors que tout ce qui est forcément télévisuel, cinématographique, on nous l'apporte, le visuel. Alors que la lecture, justement, elle a cet avantage de nous pousser, nous, dans notre imaginaire, pour imaginer les scènes. Voilà, et c'est ça que j'adore, c'est que ça fait appel à notre intellect et à ce que l'on peut appréhender des choses. Et plusieurs personnes qui vont lire le même livre ne vont pas forcément ressentir la même chose. Non, et c'est ça qui est bien. Alors qu'un film, on nous donne du prémâché sur ce qu'on doit sentir finalement. Bien sûr. Hein, c'est pour ça qu'on est déçu souvent quand il y a un film qui est tiré d'un livre. Du coup, soit j'arrête les films, soit j'arrête les romans. c'est plus possible. Non, mais parce que c'est vrai que j'adore par exemple Entretien avec un vampire, un grand classique du cinéma. Depuis que j'ai lu le roman, du coup, je suis déçu du roman parce que je trouve que le film adapte mieux que le roman. À l'inverse, Dracula de Bram Stoker, depuis que je suis fan du film depuis tout petit, mais du coup, je ne le regarde plus depuis que j'ai lu le roman. Je trouve le film plat. Donc, ça peut être à double tranchant, quoi. C'est ça qui est assez, assez compliqué. Mais la lecture, c'est vrai que c'est une grande passion, et l'écriture aussi. Et c'est vrai que pour en revenir un peu à votre édition, c'est aussi le projet. Du coup, du collectivisme dans l'association, c'est parce qu'un écrivain, quand il écrit, il est souvent seul face à son manuscrit. Et je pense qu'avant d'éditer, c'est vrai que beaucoup de éditeurs d'édition, bon, ils vont avoir des experts qui reposent sur on ne sait pas trop quoi, parce qu'ils ont des critères pour faire entrer les manuscrits dans des cases. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Votan avec Julien Sorino, qui est le cofondateur avec moi, justement, et qui est l'auteur du livre sur le cinéma italien. C'est parce qu'on est sur des sujets très spécifiques, sur de la niche en termes évidemment de publication. Donc c'est vrai que sur les livres d'histoire régionale, si on ne sort pas un truc sur, on va dire, Nancy, Lunéville, pour trouver un éditeur régional qui s'intéresse aux manuscrits, il n'y a strictement personne en réalité. D'où soit l'auto-édition, soit votre année d'édition du coup. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des livres qui sont très très gros tirages. Hein, voilà, je veux dire, François Tavani, j'ai dû en faire une trentaine de tirages. Voilà, les Châteaux du Saint-Ouen, bon, on en est déjà à la soixantaine, là, déjà, d'entrée de jeu. J'ai doublé le tirage parce que les précommandes étaient déjà colossales. Donc, voilà, et j'ai déjà recommandé un nouveau tirage. Donc, celui-là, il se vend même plutôt très bien. Donc, j'en suis assez satisfait et il va même au-delà de mes attentes. Mais c'est vrai qu'on est, en tout cas, pour les sujets que je traite, forcément, sur le Saint-Ouen, c'est une soixantaine de communes. Sur une très très grande région aujourd'hui, donc ça n'intéresse pas grand monde en fait. Voilà, donc ce qui est dommage, hein, parce que c'est quand même l'origine de l'histoire des ducs de Lorraine qui s'est passée dans ce territoire-là et que tout le monde a totalement oublié. Alors, on va déjà dire où on peut trouver votre livre, parce que ça me semble important. Alors, au niveau libraire sur Nancy, il n'y en a plus qu'un, du coup, à l'heure actuelle. Donc, on va essayer de démarcher les autres quand même, hein, tout du moins. C'est à la librairie, donc singulière et plurielle, hein, 6 rue Lafayette, où on le retrouve. Et où on retrouve l'intégralité du catalogue de Votan. C'est le seul libraire qui a, du coup, l'intégralité du catalogue. Voilà, les autres peuvent avoir des extraits, voilà, comme la taverne du livre, entre autres, mais... C'est vrai que pour l'essentiel, tout le catalogue de Votan et tous les auteurs, c'est à la librairie singulière et plurielle. Alors, quelle est votre actualité? Quels sont vos projets? Alors, là, pour l'instant, il y a évidemment de nouveaux auteurs qui arrivent. Hein, les gros projets, c'est surtout là. C'est le développement des romans, essentiellement. Cette fois-ci, on va sortir du roman historique, parce que le précédent de Jean-Marie était donc sur la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, sur la suite, ce qui est arrivé aux héritiers des années 50 à aujourd'hui. Et puis, il y a le troisième chapitre qui est en cours d'écriture. Donc, Jean-Marie, plein cœur des Vosges, là, en train de s'éclater à écrire. Voilà, bonjour à toi. Sinon, on va accueillir la première auteure de votre édition. Il était temps, enfin. Oui, comment? Voilà, bonjour à toi, Céline. D'ailleurs, je la vois dans 15 jours. D'ailleurs, on va finaliser son arrivée parce qu'elle aussi travaillait en auto-édition. Oui. Voilà. Et elle en a marre de travailler toute seule. Elle a envie de travailler de manière collaborative. Donc, elle a trois romans à nous proposer qu'on va rééditer. Voilà, donc comme on a fait pour Jean-Marie, hein, son stock en auto-édition, on l'épuise et après on refait une édition remaquettée pour votre année édition, voilà, tout simplement. D'accord. Donc, et vos projets d'écriture à vous ? Alors, mes projets, là j'ai un livre qui est en préparation, la réédition de mon tout premier livre de quand j'avais 17 ans, voilà, ça y est. Il est presque prêt, ça fait 3 ans qu'il est annoncé et qu'il est attendu. Mais je l'ai repris, je veux, voilà, quoi, comme c'est une réédition, je veux que ça soit vraiment une édition définitive et collector, même si l'histoire ne s'arrête jamais, parce que c'est l'histoire du village d'Audreville. Donc, je veux dire, entre le moment où j'ai écrit il y a 15 ans et aujourd'hui, j'ai rajouté 15 ans d'histoire qu'il y a eu depuis, quand même, également. Donc, forcément, ça sera jamais totalement fermé et définitif. Mais du coup, je suis en train de mettre la patte à sa finalisation. Il reste, on va dire, des années 50 à aujourd'hui à réécrire. Voilà, même si l'essentiel est déjà posé, ça va être beaucoup de la mise en page pour la fin. Donc, j'espère le sortir au printemps 2017. Voilà, ce sera une édition là plutôt en crowdfunding, hein, parce que du coup, ça va être un livre entièrement en couleur, grand format, collector. Voilà, je veux un livre, et je sais que le coût de fabrication va être énorme, donc là, ça va être forcément du crowdfunding et de la précommande. Si on ne le trouvera pas en librairie, hein, désolé, mais là, il n'y aura pas trop le choix, quoi. Au prix de fabrication qu'on rajoute, les frais de transport, les taxes, le livre, il va arriver à 100 euros si on passe chez un libraire standard. Donc là, c'est juste pas possible. Ouais. Donc celui-ci ne sera que par précommande pour essayer d'arriver à 50-60 euros maximum, quoi. Sachant que la marge, elle va être quasiment de zéro pour moi. Mais c'est pas grave, c'est mon premier, je tiens à le rééditer. Je m'en fous si je fais un euro sur le livre, c'est pas le problème. Mais je tiens à ce que quand même cette édition voit le jour, parce que bah, c'est le premier, quoi. Bah oui, ouais, voilà, c'est le bébé qui m'a emmené au livre sur la place à l'époque. Donc celui-là, j'y tiens et je veux qu'il revoie le jour. Et c'est vrai que je sais qu'il sera tiré peut-être à 15-20 exemplaires, mais c'est pas grave, voilà, c'est mon bébé, je veux qu'il revienne. Et sinon, dans les prochains, évidemment, il y a tous les projets sur le Saint-Ouen, encore beaucoup. Évidemment, après les châteaux, peut-être les édifices religieux, ou les sortir par canton, sur le canton de Vézise et d'Arroué également, qui sont prêts, pareil, hein, c'est que de la mise en page, il faut juste le temps de les faire. C'est comme tout, mais... Je crois que aussi j'ai envie un peu de sortir de ces sentiers battus où j'étais toujours dans le livre d'histoire un peu académique, voilà, et essayer un peu de sortir de ces sentiers battus. C'est pour ça que quand je réécris, je rajoute des pages un peu plus romancées, comme je l'ai fait, qui reparlent de l'époque, des voilà. Donc j'apporte actuellement déjà un petit élément romancé dans ces livres. Et du coup, là, j'ai bien envie de m'attaquer à un roman ou à un recueil de nouvelles également. Voilà. J'allais vous poser la question, de savoir si vous n'étiez pas tenté par un roman. Oui, parce que ça sent hein, dans la plume, ça, justement, oui. que j'ai cette envie, un peu cette prise de risque aussi de m'atteler à autre chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il est un peu temps, à un moment aussi, de prendre ce risque-là. Alors j'ai deux projets, qui se passe sur la Seconde Guerre mondiale, donc qui est en cours d'écriture. Bon, je suis pas encore tout à fait satisfait du démarrage, mais chapitre sur, j'y trouve plutôt pas mal. Donc après, il faudra voir au comité de lecture ce que en penseront, hein, parce que évidemment, on se soumet au jugement également des autres auteurs de Votan avant de sortir quoi que ce soit, pour que justement, faut une approbation générale, ou alors on réécrit les chapitres, hein, s'il y a des avants qui vont pas du tout. Mais c'est vrai que comme c'est le premier, pour l'instant, j'ai rien présenté, parce que forcément, je suis un peu dans la hantise, là, je sais pas du tout l'accueil que ça va avoir. Donc ah oui, pour l'instant, c'est pas du tout la même chose que de faire un livre d'histoire. Ah non, mais c'est oui. Et puis c'est vrai que c'est sur des éléments historiques, des personnes qui ont vraiment existé en plus, donc il y a un peu la pression également de la famille derrière. Bon, c'est un peu. Ah, ça va être une prise de risque et ça va pas forcément être accueilli cordialement par tout le monde. Je le vois gros comme une maison, mais il y a cette envie-là par rapport au roman. Et le recueil de nouvelles, ça serait plutôt replonger dans tous mes écrits de voyage, parce que j'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe. Et j'ai envie également de sortir peut-être un recueil de nouvelles culturelles, évidemment, où on fait un peu le tour de l'Europe et peut-être à différentes périodes historiques. Donc, même si le fil conducteur sera le même, j'ai un peu ce projet d'avoir, je sais pas, moi, peut-être au niveau de la Grèce, un truc assez contemporain qui se passe en plein cœur de la Grèce antique, l'Allemagne peut-être, je sais pas, j'ai un peu ce projet de faire quelque chose qui soit contemporain dans les nouvelles tout en étant planté dans un décor historique, donc, et pour surprendre le lecteur et sans forcément lui donner les éléments tout de suite. Donc j'ai un peu ce projet-là aussi qui est un peu fou, qui me permet de me replonger également dans tous ces voyages que j'ai fait à travers l'Union européenne parce que j'ai adoré voyager. Voilà. Eh bien, merci à Johan Grian d'être venu nous parler de son livre Le Saint-Ouen, pays de château. Au revoir à tous et à bientôt.